بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, يعني شرح أصول الإيمان avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Le Cheikh il explique maintenant, on est toujours dans le chapitre au sujet du Qadar. Le premier hadith qu'il mentionne dans ce chapitre, يعني وعدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل. Donc ça c'est un sujet qu'on a traité déjà depuis le début, d'accord. Et dans les chapitres précédents, dans l'introduction du chapitre du Qadar, on a parlé de ça. Mais là, il mentionne les hadiths rapportés à ce sujet-là de façon plus spécifique. Et donc, le cheikh, il mentionne, il dit donc qu'il faut pas, l'interdiction ou le fait qu'il n'est pas permis de se reposer sur le décret divin et la prédestination et de délaisser les œuvres. Tu dis par exemple, puisque tout est prédestiné, donc à quoi ça sert de faire les œuvres? Je vais me reposer sur le qadar et avancer sur ça. D'accord? Donc ça, c'est pas correct. Et le cheikh, il explique, il mentionne le hadith. Il dit, « وَعَنْ عَلِي بْنَ عَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه. Donc c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, متفق عليه. Donc il est le plus haut niveau d'authenticité. Et il est rapporté selon un compagnon du prophète parmi les Khulafa ar-Rashidin, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas parmi vous personne excepté que sa place a été écrite pour lui, soit au paradis ou sa place en enfer. Donc chacun, sa place, soit au paradis ou en enfer, elle a été écrite déjà. Alors quelqu'un d'entre les gens ont dit, « Oh, messager d'Allah, n'est-ce pas qu'à ce moment-là, on peut juste se reposer sur ce qui a été écrit et laisser tomber les actions, on laisse tomber les œuvres. On s'assoit puis on attend. Hein? » Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, faites les œuvres. Chacun, Allah va lui faciliter pour l'action pour laquelle il a été créé. Ou pour la chose pour laquelle il a été créé. Donc celui qui fait partie des gens du bonheur, Allah va lui faciliter de faire les œuvres des gens du bonheur. Et celui qui fait partie des gens du malheur, Allah va lui faciliter les actions des gens du malheur. Et il a récité le verset 5 à 7 dans Surat Al-Layl, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie: tandis que celui qui a donné et qui a été pieux, et qui a reconnu la vérité, hein, qui a cru en la récompense du paradis, on va lui faciliter ce qui est bien, ce qui est facile. C'est-à-dire, on va lui faciliter le bien. Et le contraire est vrai également. Celui qui est avare et qui se sent suffisant à lui-même et qui traite de mensonge la récompense du paradis, alors il va lui faciliter la difficulté, c'est-à-dire le mal et l'enfer, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que il faut faire les œuvres. Et de toute façon, en général, un être humain, il est obligé d'agir. Il est obligé de faire des œuvres. Il est obligé de travailler. Est-ce que quelqu'un peut dire, si, par exemple, bon, si mon risque, il a été écrit pour moi, alors je vais juste m'asseoir et j'attends. Personne ne fait ça. Hein? Même par exemple, même si tu veux le faire, même si tu dis oui, je vais le faire, Tu vas rester assis combien de temps? Jusqu'à ce que ton ventre commence à te faire mal. Quand tu commences à avoir faim et quand tu commences à avoir soif, tôt ou tard, tu es obligé de te lever pour aller chercher à boire, pour aller chercher à manger. Hein? Donc, l'être humain, il est obligé d'agir de toute façon. Il n'a pas le choix. Mais si il veut l'au-delà, encore plus. S'il veut l'au-delà, il est encore plus obligé de se lever pour faire les œuvres. De la même manière qu'il est obligé de faire les œuvres pour la dunya. D'accord? Et donc, ça, on l'avait expliqué déjà. Et le cheikh, il dit: Wa lamma dhakara al-shaykh rahimahullah al-adillata ala ithbat al-qada'i wal-qadar. بين أنه لا يجوز الاعتماد على القدر وترك العمل وإنما ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه في الدنيا والآخرة وعدم الاتكال على أن كل شيء مقدر سواء عمل الإنسان أو لم يعمل فكما أن الإنسان لا يتكل في أمور دنياه على القضاء والقدر لأن الله جل وعلا رتب الأشياء على الأسباب وكذلك الأمر نفسه يقال في أمور الآخرة فالإنسان بفطرته التي تقتضي أنه عليه أن يعمل لتحصيل أمور دنياه فكيف يعطل أعمال الآخرة ويعتمد على القضاء والقدر. Donc en fait le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il résume qu'est-ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est pour dire dans le sens que le cheikh, il a mentionné les preuves pour affirmer que lorsqu'on croit et qu'on affirme le décret divin et la prédestination, on n'a pas le droit de se reposer sur la prédestination et de délaisser les œuvres. Parce que le musulman, il doit agir pour trouver ce qui est bénéfique pour lui, que ce soit pour les choses de la vie d'ici-bas ou les choses de l'au-delà. Et il ne doit pas uniquement se reposer sur ce qui a été prédestiné, peu importe que l'être humain fasse des œuvres ou non. Parce que chaque personne, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la dunya, il va faire des actions, il ne va pas rester assis et dire je me repose sur le qadar. Hein, parce qu'il sait que Allah a établi les choses sur des causes et des moyens. Et que si tu ne fais pas les causes nécessaires, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Alors, c'est la même chose pour l'au-delà. Hein. Comme tu dois travailler pour ta dunya, eh bien, tu dois aussi travailler pour ton au-delà. C'est ça l'argument ici. Après, le cheikh dit: ومن دلالة فقه الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر أدلة القضاء والقدر ذكر أدلة إثبات العمل. يعني فساق هذا الحديث الذي يدل على أن الأصل في الإنسان عدم ترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للصحابة بعدما ذكر لهم أن كل إنسان قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة وأجابوا بقولهم أفلا نتكل وندع العمل ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم غلطهم في هذا وأن ما فهموه من قوله إنما هو فهم خاطئ وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأعمال بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه حث للإنسان على العمل لأن الجنة لا يدخلها إلا من عمل لها والنار لا يسلم منها إلا من ترك الأعمال التي من شأنها أن تورد المرء إياها. Donc ça c'est un point, il dit le cheikh que dans qu'est-ce que le cheikh a mentionné comme preuve ici, on voit la compréhension du cheikh, sa compréhension profonde de la religion, du fait qu'il a ramené et qu'il a mentionné les preuves de la prédestination, et il a mentionné aussi les preuves qu'il faut affirmer, aussi l'action et les œuvres qu'il faut faire pour obtenir l'au-delà. Donc il a mentionné le hadith qui prouve qu'à la base l'être humain il doit ne pas laisser les œuvres en se basant sur le décret divin et la prédestination. Et il a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça aux sahaba, après avoir mentionné que chaque personne a sa place, soit en enfer ou soit au paradis qui a déjà été écrite. Hein? Donc ta place, elle est déjà écrite. Donc il y a des gens qui disent, Oh, si ma place, elle a été écrite au paradis ou en enfer, alors à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? C'est déjà décidé. Oui, mais c'est vrai que c'est décidé. Mais est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que tu sais ce qui a été décidé par Allah? Non. Est-ce que tu sais ce qui a été prédestiné par Allah à l'avance? Non, tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais si toi, ton nom, il a été écrit, ta place au paradis? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais que ta place, ton nom, il a été écrit en enfer? Tu ne le sais pas non plus. Alors, dans ce cas-là, pour toi, c'est la même chose que Yannick, que tu ne savais pas. C'est la même chose que si tu ne savais pas que c'était écrit, dans le sens que c'est yani, ce que tu vas faire comme action qui va déterminer ta place à la fin. Même si Allah il le sait à l'avance, ça n'affecte pas le fait que, ou ne, ça ne change rien au fait que toi, tu dois faire les œuvres. Donc, dans ce cas-là, fais les œuvres. Et fais les œuvres du bien. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, que le cheikh, il mentionne. Et c'est pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un a mentionné la question, est-ce qu'il faut pas qu'on laisse, est-ce qu'on ne doit pas laisser les œuvres dans ce cas-là, si notre place, elle est déjà prédéterminée? Oui, elle est déjà prédéterminée, mais est-ce que toi, tu la connais, cette détermination-là? Est-ce que tu connais cette décision? Non, tu ne la connais pas. Alors, pourquoi tu penses que tu dois abandonner les œuvres? Fais les œuvres. Et donc, le professeur Somme leur a expliqué que ce raisonnement-là et cette façon de comprendre, elle est incorrecte, elle est erronée. Et il leur a fait comprendre cela et il leur a dit que le fait de croire en le décret et en la prédestination ne signifie pas de délaisser les œuvres. Il leur a expliqué plutôt que l'être humain devait faire encore plus d'efforts pour faire les bonnes œuvres, pour faire partie des gens du paradis. Parce que celui pour qui les œuvres, celui pour qui yani, le paradis a été prédestiné, Allah va lui faciliter les œuvres pour l'obtenir. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, toi tu sais que yani, pour aller au paradis, il faut obéir à Allah, il faut faire le bien. Et il faut s'écarter des péchés. Donc, tu dois faire ce que Allah t'ordonne et t'écarter des péchés. Et tu vas aller au paradis. Et tu sais que pour aller en enfer, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Hein? Il faut désobéir à Allah et obéir au shaitan, hein? Et ne pas faire ce que Allah t'ordonne. Si tu veux aller en enfer, si quelqu'un veut aller en enfer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit désobéir à Allah et ne pas faire ce que Allah lui ordonne. Il va y aller. Donc, tu as le choix d'aller au paradis, d'aller en enfer. Tu choisis les actions qui vont avec. Et c'est pour ça que le prophète, il dit dans le hadith, yani, toute ma umma rentrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Et les sahabes ont dit, mais qui va refuser au messager d'Allah? Il a dit, celui qui obéit. Hein, qui m'obéit, il rentre au paradis. Celui qui refuse, celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, tu n'as pas à utiliser le qadar pour justifier ou essayer de justifier quoi que ce soit. Ou de dire, je me base sur le qadar, donc je ne vais rien faire, je vais rester assis. D'accord? Donc, il dit, le paradis, il n'y a personne qui va y rentrer, excepté celui qui a fait les actions qui amènent au paradis. Et l'enfer, il n'y a personne qui va en être épargné, excepté s'il a délaissé les actions qui te font rentrer en enfer. Alors, tu sais quoi faire. Fais-le. Et ensuite, il dit, « ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَقَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَدَلَّ عَلَى أن دخول الجنة إنما هو بسبب الأعمال وأن دخول النار كذلك لا بسبب القضاء والقدر فحسب لأن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله جل وعلا والإنسان لا يدخل بشؤون خالقه إنما يدخل في شؤون نفسه التي ينبغي له العمل لا السؤال عن القضاء والقدر. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné comme preuve le pardon, le verset dans sourate les versets dans sourate al-Layl les versets 5 à 7 lorsque Allah azza wa jalla il dit ce qui signifie tandis que celui qui a donné hein, et qui a été pieux qui a eu at-taqwa c'est-à-dire il s'est préservé de ce qui est haram. Il s'est préservé du châtiment d'Allah en s'écartant de ce qui est haram et en faisant ce qui est obligatoire ou ce qui est ordonné. Et qui a été, hein, qui a reconnu la véracité de ce que Allah a promis comme récompense à ceux qui font le bien, le paradis, et ainsi de suite. Alors Allah va lui faciliter le bien, la facilité, c'est-à-dire le paradis et la récompense. Et le cheikh, il dit ça, c'est la preuve que pour rentrer au paradis, il faut faire les causes. Et les causes pour entrer au paradis, c'est les œuvres. Et il dit la même chose aussi pour entrer en enfer. Si tu veux éviter d'entrer en enfer, il faut yani, éviter les causes de ce qui amène en enfer hein, et faire yani, ce que Allah t'ordonne. Donc, il dit, c'est pas seulement à cause du décret divin et de la prédestination que quelqu'un rentre au paradis ou en enfer, c'est aussi à cause des œuvres que quelqu'un fait. Et donc le cheikh il dit, donc il faut comprendre que le qadar c'est quelque chose qui regarde Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le qadar, la prédestination, ça concerne Allah. C'est son pouvoir et sa volonté. Donc ça le concerne lui. Et ça ne nous concerne pas, nous. Nous, qu'est-ce qui nous concerne à notre niveau? C'est qu'est-ce qu'on va faire comme action. C'est ça qui devrait nous concerner seulement. En ce qui concerne Allah et sa destination, sa prédestination, sa volonté, son décret, sa puissance, sa volonté, tout ça, ça le concerne lui. Et nous, on n'a rien à faire avec ça. On n'a rien à voir dans ça. D'accord? La seule chose qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jal, de faire le bien, d'être sincère envers lui, de lui demander de nous préserver, de nous guider et de nous faire rentrer au paradis. Et celui qui est sincère et qui fait le bien et qui fait les efforts pour aller au paradis et qui demande avec sincérité à Allah et qui fait les efforts et qui demande pardon pour ses péchés, Allah Azza wa Jal, il ne va pas l'abandonner. Allah Azza wa Jal, il ne va pas le tromper. Allah Azza wa Jal ne va pas manquer à sa promesse. Celui qui se détourne et qui veut rien savoir de la foi et qui s'éloigne volontairement de la guidance et qui s'aveugle et qui refuse de se soumettre à son Créateur, alors celui-là, il aura ce qu'il mérite. Parce qu'il n'a pas fait les causes pour aller au paradis. Alors c'est ça qui est important. Donc le cheikh, il dit, alors qu'est-ce qui rentre dans des choses que, les choses que tu dois te préoccuper, c'est les choses qui te concernent, donc de faire les œuvres. En ce qui concerne le qadar, pose pas de questions là-dessus. Tu n'as pas besoin de poser de questions sur ça. Hein? Ou bien tu vas commencer à poser les questions. Est-ce que Allah a écrit que je vais aller au paradis ou est-ce qu'il a écrit que je vais aller en enfer? De toute façon, ça ne sert à rien puisque personne ne va te répondre pour cette question. Tu ne le sais pas et tu ne vas pas le savoir avant ta mort. La seule chose qui est importante, ce n'est pas ça pour toi. C'est de te concentrer sur les actions qui vont t'amener au paradis et de t'écarter de ce qui peut t'amener en enfer. C'est ça, concentre-toi sur ça. Laisse tomber la philosophie. Laisse tomber les gens qui philosophisent sur les questions qui ont rapport avec l'invisible. Parce que ça a rapport avec l'invisible, ça a rapport avec la foi. Le hadith suivant, il est relié à ce sujet. C'est un hadith qui est rapporté par Malik dans Al-Muwatta, ainsi que par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et aussi par Abu Daoud dans son Sunan. Donc il dit عن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله خلق الخلق إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. Donc ici c'est un hadith qui est intéressant. C'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu à propos du verset 172 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et il fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc l'explication de ce verset-là, le cheikh il explique que, ou bien plutôt le hadith il explique que Omar ibn al-Khattab a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam être questionné au sujet de ce verset. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et il a dit que Allah azza wa jal il a créé Adam, puis il a frotté son dos avec sa main droite. Et il a fait sortir de lui toute une partie de sa descendance. Une partie de sa descendance. Et il a dit, j'ai créé ceux-là pour le paradis, et ils agissent avec les actions des gens du paradis. Puis il a frotté le dos de Adam encore une fois, et il a fait sortir une autre descendance. Une autre partie de sa descendance. Puis il a dit, j'ai créé ceux-là pour l'enfer et ils vont agir selon les actions des gens de l'enfer. Alors un homme a posé la question au messager d'Allah, alors à quoi servent les actions? Alors il lui a répondu en disant, certes, Allah a créé le serviteur pour le paradis. Lorsque Allah Azza wa Jal a créé un serviteur pour le paradis, il va l'utiliser en lui faisant faire des actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il meure sur un acte parmi les actes des gens du paradis. Puis il va rentrer au paradis. Et lorsqu'il a créé un serviteur pour l'enfer, il va l'utiliser en lui faisant faire des actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il meure sur les actions des gens de l'enfer. Puis il va rentrer en enfer. D'accord? Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est la même chose que le hadith précédent. Ça explique que la rétribution, elle est reliée aux actions des serviteurs. Et que chacun va recevoir selon ce qu'il a fait. Mais pour Allah, la connaissance de qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, il le sait déjà. Il le savait déjà avant même de créer les cieux et la terre. Parce qu'il sait toutes choses déjà à l'avance. Le but de tout ça, bien entendu, c'est d'établir les preuves sur le serviteur. D'établir les preuves de chacun sur chacun par rapport à ses actions. Pour que lorsque tu arrives au jour de la résurrection, tu ne puisses avoir contre Allah aucun argument. Tu ne peux pas dire, « Oh Allah, je n'ai pas mérité ça. » Tu ne peux pas dire à Allah, « Oh Allah, je n'ai pas mérité le châtiment. » Si tu es châtié, Allah, il va te montrer tes actions. Il va te montrer ton livre. Il va te montrer les témoins. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as dit. Voici les choses. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas toi qui as fait ça? Il n'aura pas le choix accepté d'admettre. Et s'il ne veut pas admettre, les témoins vont témoigner contre lui. Même ses membres vont témoigner contre lui. Hein? Ses mains, ses jambes. La terre même va témoigner contre lui. Donc, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas nier. Hein? Tandis que celui qui est allé au paradis est la même chose. Personne ne pourra dire, mais lui, il ne mérite pas ça. Il n'a pas mérité. Oui, il a mérité. Il a ses actions qui prouvent qu'il a fait les bonnes choses et les bonnes œuvres. Hein? Et Allah lui a promis la récompense pour ça. Et il lui donne. Chacun est là selon ce qu'il mérite, selon ce qu'il a agi, selon ses actions. Et donc le cheikh, il explique cette signification-là. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il ne fait pas un atome d'injustice. Personne ne peut accuser Allah Azza wa Jal d'injustice ou d'être injuste. Et le fait qu'il sache le destin de chacun, hein, le fait qu'il le sache, ça ne change rien pour nous, puisque nous, on ne le sait pas. Hein? Donc, ça ne change rien pour nous. Si on le savait à l'avance, si, quand on nous dit, toi, tu vas en enfer, à ta naissance, tu savais déjà, ça serait autre chose. Si c'était déjà, quand tu nais, c'est écrit sur ton front ou sur ton bras, enfer. Ça, c'est autre chose. Là, on le saurait déjà. Ou paradis. On aurait même pu distinguer entre les gens. Ah, lui, c'est quelqu'un du paradis. Ah, lui, c'est quelqu'un de l'enfer. On le saurait direct. Mais là, c'est pas le cas. Personne le sait. Hein? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur les œuvres. Et le cheikh, il dit, « وَقَوْلُهُ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ لَمْ يَقُلْ خَلَقْتُهُمْ لِلْجَنَّةِ فَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِنَّمَا قَالَ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ لَا تُدْخَلْ إِلَّا بِعَمَلٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وكذا قوله وبعمل أهل النار يعملون لم يقل خلقتهم للنار فحسب بل قال وبعمل أهل النار يعملون فدل على أنه كما ذكر أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل ولا يدخل النار إلا بعمل أي ليس بمجرد القضاء والقدر وهذا واضح من الحديث. Donc le cheikh, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a expliqué, hein, que yani, Allah Azza wa Jal, il a créé des créatures pour le paradis et ils agissent, hein, ils font les actes des gens du paradis. Il n'a pas dit, je les ai créés pour le paradis et donc ils rentrent au paradis. Hein, et il a dit, ils font les actions des gens du paradis, donc ils rentrent au paradis. C'est la preuve donc qu'il n'y a rien qui va les faire rentrer, excepté les actions qu'ils font. De la même manière que quand il dit dans le verset, « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun »« Entrez au paradis à cause de ce que vous faisiez. » D'accord ? À cause de ce que vous faisiez comme œuvre. Et la même chose pour l'enfer. Il a dit, ils font les actions des gens de l'enfer. Il n'a pas dit, je les ai créés pour l'enfer, donc ils rentrent en enfer direct, hein, à cause de, du fait que je les ai créés pour l'enfer. Il a dit, parce qu'ils font les actions des gens de l'enfer. Et donc ça, c'est la preuve que personne ne va rentrer au paradis excepté par ses actions, et personne ne va entrer en enfer excepté par ses actions. Et non pas seulement par le décret divin et la prédestination. Et ça, c'est clair dans le hadith. Après, le cheikh dit « Fafil hadithi bayanun annahu la budda min al-amal. Wa la ya'ni hadha anna man qada allahu lahu annahu min ahli al-nar annahu yatruk al-amal al-ladhi yunjihi min al-nar. Ou man qadra allahu lahu annahu min ahli al-jannati annahu yatruk al-amal al-ladhi يسبب له دخول الجنة فلا بد من العمل لأن الجنة لا تدخل إلا بعمل الخير والنار كذلك لا تدخل إلا بعمل الشر فلا ينبغي أن تعطل الأعمال. Donc le cheikh il dit que le hadith il clarifie donc très bien qu'il est nécessaire de faire les actions et que ça ne veut pas dire que si quelqu'un a décrété pour quelqu'un qu'il sera parmi les gens de l'enfer, qu'il peut délaisser de faire les actions qui vont le sauver de l'enfer. Déjà parce qu'il ne le sait même pas à l'avance. Et la même chose pour celui pour qui Allah Azza wa Jal a prédestiné qu'il sera au paradis ou parmi les gens du paradis. Yani que ça ne veut pas dire que c'est permis pour lui de délaisser les actions qui vont être une cause pour qu'il puisse entrer au paradis, il faut faire les actions. Donc si tu vois quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui vit dans le crime, qui vit dans la débauche, qui vit dans le haram, qui vit dans l'égarement total, si tu lui dis, accepte l'islam, accepte la foi, repens-toi à Allah, il ne peut pas utiliser comme excuse ou comme argument « Non, moi j'ai été prédestiné pour l'enfer. » Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de se repentir et de cesser de faire les mauvaises actions et les choses haram et de commencer à faire les actions des gens du bien. Il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Sauf lui-même. Et s'il le fait et qu'il se repent et qu'il change ses actions et qu'il meurt sur le bien, il va aller au paradis. Le fait que quelqu'un vit dans le haram, ou vit dans le kofr, ou dans le shirk, ça ne veut pas dire qu'il est voué à l'enfer, nécessairement. De la même manière que quelqu'un qui vit sur la foi, et sur l'obéissance, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement voué au paradis. Tant qu'il n'est pas mort, on ne sait pas. Il peut s'égarer et tomber dans l'égarement, ou s'éloigner de la foi, avant de mourir et qu'il meurt dans le coffre. C'est déjà arrivé. Hein? Il y a eu des munafiqines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont accepté l'islam, qui sont morts kafir. Il y a des murtadoun, des apostats. Oui, c'est arrivé. Quelqu'un, sa foi, il n'est pas garantie. Quelqu'un, sa place au paradis, il n'est pas garantie tant qu'il n'est pas mort. Et donc, quelqu'un ne peut pas dire, moi, ça y est, je suis musulman, je suis sauvé, hein, j'ai ma place au paradis garantie. Tu ne peux pas dire ça. Il faut faire les efforts, il faut être sincère, il faut demander à Allah de nous préserver sur la foi, de nous garder sur la foi et sur les bonnes œuvres. Parce qu'il y a le hadith justement qui mentionne qu'il y a des gens, ils vont faire les actions qui sont en apparence les actions de bien. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit espace entre eux et le paradis. Et puis ils commencent à faire les actions des gens de l'enfer, puis ils rentrent en enfer. Et le contraire aussi, il y a des gens qui vont faire les actions des gens du mal, hein, les gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit espace entre eux et l'enfer. Puis ils commencent à faire les actions des gens du paradis, puis ils meurent et ils rentrent au paradis. Donc ça veut dire que jusqu'à la mort, il faut continuer toujours à faire des efforts pour rester sur le bien et sur la foi, pour mourir, avoir husn al-khatima. Husn al-khatima, ça veut dire la bonne conclusion, la bonne fin. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bil khawatim ». C'est-à-dire, les œuvres ne valent que selon leur terminaison, leur conclusion. Comment tu finis? C'est ça le plus important. Exact. Exactement. Ça, c'est un bon exemple. L'exemple des 10 parmi ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait garanti le paradis. Ils savaient déjà à l'avance, avant même de mourir, qu'ils étaient promis au paradis. Est-ce qu'une fois qu'ils ont su, ils ont dit « Oh, nous c'est garanti le paradis » Alors que même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à comment il s'appelle ce sahabi Yani, Adi ibn Abi Balta'a, comment il s'appelle ah, j'ai oublié, mais je sais que son nom c'est Ibn Abi Balta'a. Subhanallah. Il a fait un acte de trahison à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir pour Mecca, pour reprendre la Mecque, il a envoyé une lettre. Son intention, ce n'était pas de trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était seulement de protéger ses biens et protéger ses proches, qui, eux, n'avaient pas de protection des familles de la Mecque, hein, parce qu'il n'était pas quelqu'un d'une famille importante ou de quelqu'un qui avait un statut important dans la ville. Alors, il craignait que les mouchriquins se vengent sur ses proches parce qu'il est musulman. Alors, il a envoyé un message avec une femme qui partait pour la Mecque pour avertir les gens en échange d'une protection pour sa famille, pour pas que du tort leur soit fait. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appris de ça. Allah lui a révélé que quelqu'un avait fait ça. Il a intercepté le message. Hein? Il a envoyé des sahaba pour intercepter cette femme. Et il a ramené le message et il a demandé au compagnon en question, « Pourquoi tu as fait ça ?» Il a dit, « Oh, messager d'Allah, je n'ai pas fait ça parce que je veux la mécréance ou parce que je préfère la mécréance ou des choses comme ça. » Non. Il dit, parce que tes compagnons, beaucoup d'entre eux, ils ont de la famille à Mecca, ils protègent leurs biens et leur demeure et leur famille. Moi, j'ai personne. Alors, j'ai cherché à avoir un appui en faisant ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. Laissez-le. Il a dit, Allah Azza wa Jal a dit aux gens qui étaient à Badr, qui ont participé à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, parce que Allah vous a pardonné. Est-ce que après avoir su ça, ils ont dit, ah, nous on fait partie des gens de Badr, on va faire ce qu'on veut. On va aller faire les péchés, on va faire des choses haram. On est garanti au paradis, donc ça ne dérange pas qu'est-ce qu'on fait. Ou bien on va abandonner les œuvres, on va se rester assis de toute façon. Hein? Les 10 qui ont été promis au paradis, ils n'ont pas dit, ah, mais ça y est, on va s'asseoir, on va attendre. Non, ils ont fait les œuvres. Hein? Et l'exemple de Ukasha ibn Mihsan, quand il s'est levé, il a dit au messager d'Allah, oh, messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois parmi les 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Il a dit, tu es un des leurs. Et l'autre qui s'est levé, il a dit, oh, moi aussi, oh, messager d'Allah. Il a dit, sabaka kabiha Ukasha. Ukasha est à devancer. Il a dit, Ukasha est à devancer. Est-ce que Ukasha, il a dit, ah, ça y est, je suis parmi les 70 000. Alors, je peux faire ce que je veux. Je vais aller au paradis. Non. Il a lutté toute sa vie, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi les gens qui ont lutté pour l'islam, il est mort martyr dans le sentier d'Allah. Tous ses compagnons, là c'est l'exemple qu'on a vu d'eux. Hein? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, رضي الله عنهم، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، زبير، يعني طالحة، يعني tous ces compagnons là ils sont tous c'est tous des exemples. Et ils savaient qu'ils allaient au paradis, ils n'ont jamais cessé les œuvres. Alors, quelle excuse nous on a, hein? Hatib ibn Abi Balta'a barakallahu fik. Donc ici le cheikh il dit ensuite, hein, il ne faut donc pas laisser tomber les œuvres. Il faut faire les œuvres. Ensuite, il mentionne un autre hadith qui est dans le même sens. Et ce hadith-là, il est rapporté par At-Tabarani dans Musnad al-Shamiyin. Il dit: وقال إسحاق بن راهوية حدثنا بقية ابن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم أو حكيم ابن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. يقول الشيخ الفوزان: هذا الحديث يشهد للذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل ولكنه لا بد من العمل سواء العمل الذي ينجي من النار ويدخل الجنة أو الذي يدخل الجنة. C'est ça. Donc le cheikh il dit, bon, il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Il dit qu'il y a un homme qui a demandé au messager d'Allah: est-ce que on débute les œuvres ou bien l'affaire elle a déjà été décrétée? Est-ce qu'on fait les œuvres, hein, de nous-mêmes, nouvellement, ou bien c'est quelque chose qui a déjà été décrété? Qu'est-ce qu'on fait? Et il mentionne que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Allah a créé, lorsque Allah Azza wa Jal a fait sortir de Adam sa progéniture de son dos, il les a tous fait témoigner contre eux-mêmes. Il dit, puis il les a étendus dans ses deux mains. Il a dit, ceux-là sont pour le paradis, ceux-là sont pour l'enfer. Donc, les gens du paradis, ils ont été facilités pour les actions des gens du paradis, et les gens de l'enfer ont été facilités pour les gens, hein, pour les actions des gens de l'enfer. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est un hadith qui témoigne de ce qui a été mentionné dans les hadiths avant celui-là qu'on a mentionné au sujet du qada ou al-qadar, et pour mentionner que il faut absolument quand même faire les œuvres et que les actions, c'est ça qui va sauver une personne de l'enfer et faire rentrer au paradis. Et non pas uniquement de se baser sur le décret divin et la prédestination. Ensuite, il y a un autre hadith, mais celui-là il est plus long, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On expliquera la suite au prochain cours, bi-idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.